Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace en compagnie de notre invité Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, et nous allons parler dans ce podcast de la théorie MONDE, MONDE, M-O-N-D, sans E, une théorie qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait appel à un univers dont nous nous débarrassons de la matière sombre, de l'énergie sombre, de la matière noire, de l'énergie noire. Et si tout cela n'existait pas, eh bien, le monde serait différent. Quelle est, Jean-Marc Bonnet-Bideau, l'histoire de cette théorie et quelle est-elle ? Alors, monde, on peut d'abord dire ce que ça signifie. Monde, c'est Modified Newton Dynamics, c'est-à-dire la dynamique de Newton modifiée. On a tout de suite le cadre, effectivement, il s'agit d'une loi de gravitation modifiée. La loi de Newton, effectivement, nous décrit comment opère la gravitation. Et cette théorie propose de la modifier, cette loi. Modifier pourquoi ? Pour rendre compte d'observations qui ont, depuis une trentaine d'années, un petit peu stupéfait les astronomes, et qui est la chose suivante, c'est quand dans une galaxie, on observe le mouvement des étoiles, le mouvement, les étoiles tournent dans une galaxie, tournent autour du centre de la galaxie, eh bien ces étoiles vont trop vite. Et elles vont trop vite, de telle sorte que normalement, si on utilise la loi de Newton, qui est la loi de la gravitation universelle que tout le monde connaît, eh bien elle devrait s'évader, elle devrait sortir de la galaxie. Elles sont retenues par quelque chose. Donc, effectivement, puisqu'elles y restent dans la galaxie, c'est qu'elles sont retenues par quelque chose. En l'occurrence, elles sont retenues par ce que les astrophysiciens ont appelé de la matière noire, une matière qui, effectivement, est là et qu'on ne peut pas voir. Donc, c'était l'hypothèse, et c'est l'hypothèse naturellement admise pour l'instant dans un certain groupe de physiciens, mais sur laquelle un physicien israélien qui s'appelait Mordechai Milgrom a dit « Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord ». Si vous rajoutez de la matière noire, vous pouvez le faire, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous simplement vous modifiez la loi de Newton. Alors, on revient sur la loi de Newton, c'est amusant de le rappeler. La loi de Newton, effectivement, c'est la loi qu'on utilise dans l'astrophysique, parce que même si elle a été remplacée par la suite par la théorie d'Einstein de la relativité générale n'opère des différences notables que dans des cas très particuliers, quand la vitesse est très élevée, proche de la vitesse de lumière, ou quand la gravité est très intense. Mais dans le système solaire, dans les galaxies, dans l'univers en général, eh ben, on a tout à fait suffisamment de conditions réunies pour opérer avec la fameuse loi de Newton que tout le monde connaît. La loi de Newton, elle nous dit quoi ? Elle nous dit tout corps, deux corps s'attirent de façon universelle, n'importe quel corps, en proportion de leur masse et inversement proportionnel au carré de leur distance. Ça veut dire par exemple que deux corps à une distance donnée s'attirent. Si vous doublez la distance, eh ben, l'attraction ne va pas être divisée par 2, mais divisée par 4, par le carré de 2. Donc voilà ce que nous dit la loi de Newton. Mais en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vérifié cette loi ? Bien sûr qu'on l'a vérifié. On l'a vérifié dans certaines conditions. Par exemple, dans le laboratoire, donc dans des distances qui sont de l'ordre du mètre, du kilomètre, du million de kilomètres, etc. Mais on ne l'a pas vérifié à très courte distance et à très longue distance. Et ça, c'est un fait qu'effectivement, les physiciens n'ont pas pu avoir un laboratoire suffisamment précis pour vérifier dans ces cas-là. Or, effectivement, la distance d'une galaxie par rapport au centre, d'une étoile par rapport au centre de la galaxie est d'une grande distance dans l'univers. Et donc, on n'a pas du tout de contraintes qui nous disent que c'est vraiment la loi Newton qui s'applique. Alors, Milgrom en a déduit, eh ben, je vais chercher dans cette voie-là plutôt que d'inventer de la matière noire. Et alors, il a fait des tas de calculs, mais il est arrivé à une simplification étonnante qui a paru effectivement résoudre tous les problèmes et qui était très très simple. Il s'est aperçu que si, évidemment, il ne peut pas modifier la loi de Newton à des très faibles distances qu'on connaît. Donc il s'est dit, au-delà d'une certaine distance, on peut imaginer que la loi de Newton ne soit pas dans cette dépendance en 1 sur R2, en carré de distance, mais devienne une dépendance en 1 sur R à l'inverse de distance. Donc tout d'un coup, la gravitation diminuerait moins vite quand on écarte les masses au bout d'un certain temps. Et avec cette seule hypothèse-là, qui était très très économique en termes de physicien, il a tout d'un coup réussi à expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies. Il n'y avait plus besoin de matière noire. Alors ça a été formulé, cette hypothèse, en 1983. Telle que vous la décrivez, on se dit bah, c'est un succès immédiat et phénoménal. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre plus de 20 ans, presque 25 ans, pour qu'on rediscute de cela et qu'on se repose la question? Pourquoi ne s'est-elle pas imposée? Eh bien, d'abord parce que souvent la communauté des physiciens est très conservatrice, c'est-à-dire elle ne veut pas trop changer de théorie, mais surtout parce qu'on a fait valoir à M. Milgrom que s'il changeait la loi Newton, il était obligé aussi de changer la relativité générale, puisque la relativité générale n'est que la généralisation de la loi Newton. Si on change la loi Newton, il faut aussi changer. Alors là, il y avait un handicap majeur, et donc tout le monde s'est dit, c'est fini, cette théorie n'ira jamais au-delà, on n'arrivera jamais à démontrer qu'elle peut rester conforme et compatible avec la relativité générale d'Einstein. Et il a fallu attendre 2004 pour que des travaux de Bekenstein, qui était aussi un Israélien qui a travaillé pendant des années, hein, c'était pas simple pour lui, mais il a réussi à démontrer que, avec une petite complexification supplémentaire, il avait besoin de rajouter un ou deux paramètres de plus, mais que cette théorie de modifier de la loi Newton, monde, était compatible avec la relativité générale d'Einstein. Alors là, ça donnait un statut définitif à cette théorie, un statut de nouvelle loi de gravitation possible. Et c'est ça qui remet maintenant cette théorie au devant de l'actualité, c'est que maintenant on ne peut plus la renvoyer dans ses cordes en disant non, c'est pas une théorie plausible puisqu'elle ne rend pas compte des phénomènes de relativité. Et donc à l'aide de ça, maintenant les gens scrutent les prédictions que peut faire monde dans un certain nombre de cas. Et c'est là qu'effectivement la théorie a eu beaucoup de succès récemment, puisque de nouvelles équipes se sont mises à l'utiliser et sont aperçues qu'elles pouvaient se passer de beaucoup d'hypothèses qu'on avait mis en avant jusque-là. Alors un des succès indirects, ou en tout cas ce qui contribue à rendre monde intéressant, c'est que la fameuse matière noire est toujours introuvable. Et c'est vrai que c'est gênant quand même pour la cosmologie de d'appuyer une théorie où 90% de la matière de l'univers, même 95% de la matière de l'univers, est totalement manquante et on ne sait pas où elle est. Oui, alors c'est ça évidemment qui était l'objectif de Milgrom au départ, et qui opère très très bien dans les galaxies. Là, maintenant, plus personne n'a de doute, elle explique beaucoup mieux la rotation des étoiles que si on est obligé d'inventer une matière noire. Au niveau des amas de galaxies où le même problème se répète, les choses sont plus discutées. Dans un certain nombre de cas, c'est peut-être pas tout à fait, mais en fait, on n'a pas toujours les données suffisantes pour prouver. Mais le succès important de la théorie a surtout été quand on observe les inhomogénéités de l'univers à ses débuts, qui est quand même un des effets de la gravitation du début de l'univers. C'est-à-dire qu'on va rappeler en deux mots, au début de l'expansion, l'univers est homogène, rien ne dépasse, tout est uniforme. Et puis il faut bien former des galaxies. Et pour former des galaxies, évidemment, et c'est là pourquoi la matière noire est utile et même indispensable, si on ne met pas de matière noire normalement avec les lois Newton et avec les lois de gravitation standards, on ne peut plus former des galaxies. L'univers est trop homogène, il va s'étendre trop rapidement, on ne pourra pas faire coaguler ces petits tas de matière qui vont former les galaxies puis les amas de galaxies. Donc la matière noire, pour les gens qui utilisent les lois de gravitation standard, elle est absolument indispensable. Mais pour Milgrom, évidemment, on lui a dit, mais attendez, est-ce que votre théorie de la gravitation peut nous expliquer les inhomogénéités qu'on voit dans cette première image qu'on arrive à faire du début de l'univers par des moyens un peu complexes, mais enfin qui nous produit l'image à peu près 300 000 ans après le début de l'expansion, dans lequel on voit effectivement des petites inhomogénéités. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas pu démontrer, parce que c'était difficile à calculer, les effets de la théorie. Et on vient de démontrer qu'effectivement, par la théorie modifiée de Newton, monde, on arrive à reproduire quasi de la même façon les inhomogénéités que l'on voit dans ce fond, cette première image de l'univers. Et donc, c'est un argument phénoménal pour la théorie aujourd'hui, puisque jusqu'à maintenant, il fallait effectivement faire appel à une matière noire qu'on disposait dans l'univers comme il fallait, et déjà dès le début de l'univers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est justement, peut-être c'est aussi le changement de regard, c'est de considérer que quelque chose comme la gravité, aussi fondamentale qu'est cette force, c'est faire chuter un dogme que de penser qu'elle peut varier peut-être dans l'espace et dans le temps. Est-ce qu'on ne doit pas étendre cette idée d'une variation des constantes? Alors on peut penser à la vitesse de la lumière, on peut penser à tout ce qui est aujourd'hui considéré comme constant. Est-ce qu'on ne peut pas penser que tout ça, finalement, aurait des valeurs variables en fonction du temps? Alors c'est très très débattu, évidemment. On sait par l'histoire des sciences, il faut quand même se rappeler qu'il faut avoir un regard extérieur aux disciplines de temps en temps. On sait que la théorie d'Aristote est tombée, remplacée par les théories de Newton, qui est remplacée par la théorie d'Einstein. La théorie d'Einstein sera remplacée par une autre théorie. Tout le monde en est certain, et c'est une certitude. D'abord, elle est nécessaire dans la physique, puisque la théorie de la gravitation, la gravité, est la seule force qui se distingue des autres forces fondamentales. Donc il y a depuis longtemps un effort de tous les physiciens et astrophysiciens de réunir les quatre forces, donc les trois qui sont déjà réunies dans une théorie unifiée des forces, et la quatrième qui reste en dehors dans une même et globale théorie. Donc on sait que si on réussit à faire ça, et c'est notamment l'espoir de théories qu'on appelle la théorie des cordes ou des supercordes, des théories qui sont purement nées de la physique des particules, on aura une nouvelle gravitation, une théorie de la gravitation à notre disposition. Quelle sera-t-elle? Ça, évidemment, c'est encore une grande interrogation. Alors, de toute façon, la modification qu'apporte la théorie monde à la gravitation, elle est presque cosmétique. Elle ne remet rien en question de si fondamental que ça. Elle est juste de dire, effectivement, il y a une possibilité, avec très peu de moyens, que ça ne soit pas tout à fait la bonne loi qu'on utilise jusqu'à maintenant. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas à refaire, sur la base de monde, une nouvelle théorie de la gravitation qui unifierait les forces. Donc, c'est deux niveaux assez différents. Monde, en fait, s'est posé une question de données et dit, voilà, je résous ce problème-là avec une économie de moyens phénoménale par rapport à... On a imaginé qu'il y a beaucoup de matière, qu'on ne la voit pas, pourquoi on ne la voit pas, où elle est, etc. Non, moi, je dis, ça se prédit très facilement, simplement c'est la loi qui est légèrement fausse. Donc en fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux. Monde est un, on pourrait appeler ça comme un peu, on va dire, la modification de Copernic par rapport au mouvement des planètes. Vous voyez, cette espèce de modification qui n'a pas encore remis tout en question, si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a des observations aujourd'hui qui permettraient de valider cette hypothèse d'une variation de la gravité? Des observations vraiment qui seraient des faits incontestables. Alors déjà, on cherche, pour distinguer le succès, je parlais tout à l'heure de reproduire les inhomogénéités de départ de l'univers, il y a des petites différences entre si on met de la matière noire, si on met la gravité modifiée, et ça c'est le satellite Planck qui va refaire une nouvelle carte de ce fond de l'univers, qui va décoller au début de 2007, qui va nous fournir la réponse. Là on va pouvoir comparer et on pourra distinguer l'hypothèse de l'autre, du moins on l'estime que ça sera possible. Mais il y a une deuxième voie qui est que même si cette gravité modifiée normalement fait effet à très longue distance, pour vous donner un chiffre, elle ne commence à rentrer en effet, cette gravité, que par exemple à une distance du Soleil de 7000 unités astronomiques. 7000 unités astronomiques, ça veut dire au moins 20 fois la distance du Soleil, la plus lointaine planète Pluton. Donc c'est assez loin, mais en fait on considère quand même que il pourrait y avoir des petits effets annexes qui soient déjà visibles dans le système solaire. Alors, un des effets qui a fasciné depuis un certain temps les physiciens et astrophysiciens, c'est l'effet qui est sur le mouvement la petite sonde pionnière 10 et 11, elles étaient deux. C'est les plus anciennes sondes qui étaient envoyées et qui ont dépassé les plus grandes distances dans le système solaire. Pionnier 11 était envoyée, je crois, en avril 73. Elle est maintenant à 70 unités astronomiques, donc à peu près deux fois la distance de Pluton. Et on a constaté, de façon indépendante de toutes ces considérations astrophysiques, que juste par la mécanique céleste et par la mécanique l'astronautique, qu'elle était légèrement plus attirée par le Soleil qu'il ne devrait. C'est-à-dire qu'effectivement, son mouvement n'est pas prédit vraiment exactement par la théorie de Newton. Alors, est-ce qu'on a là affaire à un des effets de monde un peu indirect? C'est tout le travail que font les physiciens pour essayer de savoir si effectivement c'est pas ce genre de petits effets déjà notables qui seraient dus à cette modification. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas testé non plus la gravité à petite échelle. Est-ce que ce sont des expériences en cours? Alors oui, mais alors c'est beaucoup plus compliqué ça effectivement, parce qu'effectivement là ce sont des expériences en cours sur lesquelles j'aurais du mal moi à vous donner vraiment une des indications précises, mais elles sont bien sûr en cours parce que on veut savoir si la gravité continue par exemple tout bêtement à être attractive à de faibles distances. Il pourrait que la gravité gravitation deviennent répulsives à des très très faibles distances entre particules. Et ça, ça ouvrirait de grands grands espoirs pour qualifier la gravitation et réussir à l'unifier aux autres forces. Donc là, l'enjeu, il est très complexe, parce qu'effectivement, on a affaire avec les particules à d'autres forces qui rentrent en ligne de compte. Hein. Les autres forces fondamentales, il faut distinguer l'effet de la gravité, qui est la plus faible. Il faut se rappeler que la gravitation, pourquoi on la connaît la moins bien ? C'est quand même la force la plus fondamentale de l'univers que l'on connaît le moins bien. La constante de gravitation, le fameux G, vous parliez des constantes tout à l'heure, n'est connue qu'à quelques pourcents près. C'est vraiment une anomalie. Dans toutes les autres constantes fondamentales, la masse de l'électron, la constante de Planck, etc., sont connues à des décimales, plusieurs décimales près. Et pourquoi on ne connaît pas G ? Eh bien, parce qu'effectivement, G intervient toujours multiplié. Quand on a une attraction, on dit c'est la constante de gravitation multipliée par la masse de l'objet qui opère. Et donc, comme on n'a jamais une mesure pour les astres de l'astrophysique très exacte de la masse, eh bien, on n'a pas une mesure très exacte de G. Si on avait un jour un soleil dont on connaîtrait la masse avec une précision extrême, alors on connaîtrait G avec une précision extrême. Mais pour l'instant, on mesure le produit de la constante gravitation par la masse. Alors évidemment, on en est réduit à effectivement faire des approximations. Alors on sent bien, Jean-Marc Bonnet-Bideau, qu'avec cette théorie, comme avec les théories un peu exotiques de physique des corps dont on parlera plus tard, on est là dans une agitation due vraisemblablement aussi au terrain sur lequel est bâtie actuellement la connaissance de l'univers, avec une matière sombre prédominante, avec une énergie noire qui fait rentrer l'univers dans une expansion accélérée. D'une certaine façon, on a une théorie de l'univers qui est basée sur, majoritairement, de l'inconnu. Est-ce que ce n'est pas justement le meilleur terreau aujourd'hui à voir apparaître des cosmologies alternatives qui nous offrent une autre façon de voir l'histoire de notre univers ? Normalement, oui. Normalement, il faudrait effectivement que ces théories se fleurissent, se multiplient et soient discutées. C'est pas si facile. Les observations. Enfin, je pense que c'est plus un effet de sociologie de la science dont il faudrait parler là. C'est qu'effectivement, quand une théorie est dominante, elle draine toutes les énergies, tous les efforts, tous les postes aussi de chercheurs. Et que quand quelqu'un veut proposer une théorie dite alternative, alors il va bénéficier de moins de crédit et il y aura moins de temps passé à étudier ces théories. Et donc, les théories dites alternatives sont moins développées aujourd'hui que la théorie qu'on appelle classique, mais qui a évolué aussi énormément, et c'est, qui est celle du Big Bang. Elles sont aussi sans doute plus difficiles à faire parce qu'elles doivent rendre compte de ce que l'on observe et de ce que les théories mises en difficulté ont réussi à prouver. En tout cas, elles doivent les inclure. Bien sûr, le cas de Monde justement est très très impressionnant puisque on a dû qu'à la ténacité d'un individu qui a passé des années de sa vie pour arriver à intégrer cette théorie dans la théorie de la relativité d'Einstein. Mais effectivement, peut-être en un mois, ça aurait pu être fait par un laboratoire d'une dizaine de chercheurs. Donc on voit l'avancement différent selon les moyens qu'on y met, et je pense que ça ne nous rassure pas forcément sur la théorie actuelle. Et c'est pas parce qu'elle est défendue par un grand nombre de gens qu'elle est forcément plus juste. Bon, il faut effectivement simplement constater qu'elle a déjà, elle montre déjà des limites, et que de ces limites surgiront forcément à un moment donné d'autres idées. Je pense que maintenant, pour la sociologie de cette science qu'on appelle la cosmologie, elle a déjà largement évolué. Beaucoup d'idées nouvelles nous viennent des physiciens des particules qui manipulent effectivement les extrêmes de la physique et qui nous disent effectivement, nous avertissent en nous disant, nous astrophysiciens, en nous en disant, écoutez, il faudra un jour ou l'autre que vous teniez compte de ce que nous observons, nous, dans nos théories, du plus petit pour l'appliquer à l'infiniment grand. Et donc, c'est quand même une petite réticence, chaque discipline a ses petits précarés. Mais c'est vrai que Monde est assez exemplaire parce que, vous voyez, ça fait plus de 20 ans, hein, largement, hein, qu'elle a été mise sur le marché. On croyait qu'elle serait abandonnée, pas vraiment parce que c'était pas une bonne idée, mais parce qu'il n'y avait pas assez d'efforts faits. Et puis tout d'un coup, elle redémarre. En fait, c'est le propre des bonnes idées, c'est qu'elles survivent au temps. Alors, elle tombera par terre, évidemment, si on découvre dans le grand accélérateur de particules de Genève, par exemple, une particule de matière noire. Alors là, ça sera par terre. Hein. C'est ça le jeu de la science, effectivement. C'est très, très stupéfiant. Si une seule de ces particules nouvelles de matière noire est démontrée exister, alors évidemment, il faudra mettre cette théorie au rencard, comme beaucoup d'autres avant elle. Mais pour l'instant, elle a effectivement marqué de nombreux succès. Donc c'est une nouvelle théorie alternative possible, mais le Big Bang aujourd'hui reste oui. la théorie, on va dire, officielle, sans pour autant la décorer de la légende d'honneur. Oui, je corrigerai légèrement ce que vous avez dit au départ. Effectivement, cette théorie n'opère que sur la fraction dite matière noire de l'univers. Elle ne nous renseigne pas sur ce qu'on appelle aussi l'énergie sombre ou l'énergie noire, parce que ce n'est pas une théorie. Son action à l'échelle globale de l'univers n'est pas forcément extrêmement différente de la relativité. Et du coup, elle n'explique pas en tant que telle l'énergie sombre, par exemple. Donc, mais cette énergie sombre n'est peut-être même pas prouvée. Donc, en fait, vous voyez, on peut imaginer très bien que demain, on se dise l'énergie sombre, non, on a fait fausse route, les explosions d'étoiles qui nous montrent que l'univers est en expansion accélérée, puisqu'il s'agit de ça dans l'énergie sombre, n'est pas prouvée. On abandonne ça, comme on a abandonné d'autres choses auparavant. Donc, il nous resterait que la matière noire à expliquer, et cette théorie serait suffisante, alors elle deviendrait une bonne théorie pour l'ensemble des phénomènes de l'univers. Mais pour l'instant, tant que l'énergie sombre est quand même encore sur la sellette, elle doit se contenter d'expliquer que des phénomènes qui concernent la matière noire. Mais elle l'explique très bien. Donc, en fait, c'est tentant de se dire, peut-être un jour, elle deviendra la théorie dominante aussi pour expliquer l'univers. Merci Jean-Marc Bonnet-Bidôme. Nous vous conseillons de vous référer aux deux podcasts enregistrés sur la matière noire et l'énergie noire, ou la matière sombre et l'énergie sombre. Merci de nous avoir suivis sur ces podcasts de Ciel et Espace. Rendez-vous au prochain épisode.